Chapitre 10. Système Hetzal au-dessus de la lune fruit. 50 minutes avant l'impact. On n'y arrivera pas. C'est impossible. Affirma Joss Adren, commandant provisoire du Long Bin de la République dénommée Aurora 3. C'était déjà bien assez compliqué de détruire ce machin. Il fixa l'écran de son cockpit où figurait son propre vaisseau, les trois vecteurs Jedi qui l'escortaient, l'énorme anomalie spatiale lancée à pleine vitesse qui, apparemment, abritait des êtres vivants, et bien sûr la lune densément peuplée que ladite anomalie allait percuter et sans doute pulvériser d'ici, disons 12 minutes. En d'autres termes, le problème qu'ils étaient censés résoudre. Lorsqu'il s'était porté volontaire pour embarquer à bord dans Long Beam et intervenir là où il le pourrait, la motivation principale de Joss avait été d'essayer l'un de ces nouveaux vaisseaux de la République dont tout le monde parlait. Il n'avait jamais piloté ce modèle, agrémenté de petites modifications bien pratiques si l'on en croyait la rumeur. Il ne rechignait pas à aider les gens, bien sûr. Mais maintenant, voilà qu'il se retrouvait avec des vies entre les mains. Des tas de vies. Et s'il pouvait s'attendre à des félicitations en cas de succès, on ne manquerait certainement pas de l'engueuler en cas d'échec. Joss poussa un juron, puis un second, suivi de 4 autres. « C'est vraiment utile ?» demanda sa copilote Pika Adren, son second à bord de l'Aurora 3, mais également capitaine de son cœur. « Ne va pas me dire que tu ne comprends pas !» Elle était légèrement amusée, légèrement irritée et tout à fait concentrée. Et aussi très belle, avec ses yeux clairs, ses cheveux sombres et bouclés, et ses taches de rousseur qu'il aimait regarder et toucher, et qui mouchetaient sa peau un peu plus pâle. Sa femme aimait lui dire qu'elle le trouvait séduisant, mais il ne se faisait pas d'illusions. Il ressemblait à un bloc moteur sur lequel on aurait posé une tête avec des cheveux taillés en brosse le plus court possible pour ne jamais avoir à s'en soucier. Joss Adren devait bien avoir des qualités, sinon il n'aurait jamais réussi à séduire quelqu'un comme Pika. Mais il savait que son apparence ne figurait pas dans la liste. « Oh, je comprends ta frustration, mon chou, » répondit sa femme. « Mais je veux qu'on essaye quand même de sauver ces gens. »« Mais bien sûr que je veux essayer, Pika. Simplement, je ne vois pas comment faire. » La mission initiale consistait à traquer une cible pour la détruire, l'un des mystérieux projectiles apparus dans le système Hetzal. Apparemment, il se déplaçait vite, mais ne possédait pas d'armes ni de moyens d'altérer sa trajectoire. Il suffisait de le faire sauter avant qu'il ne touche la lune. Difficile, mais pas impossible. Mais désormais, grâce à Théami et à leurs 3 autres collègues Jedi affectés à l'opération, ils savaient l'objet habité, aussi curieux que cela paraisse. Des gens se trouvaient à l'intérieur. En vie. Ils s'étaient acquittés de la traque. Mais la destruction n'était plus à l'ordre du jour, du moins jusqu'à ce qu'ils réussissent à sauver les occupants de la chose. Une fois qu'ils en auraient terminé par des moyens qui demeuraient encore particulièrement vagues, il leur faudrait quand même atomiser ce machin qui fonçait toujours tout droit sur la lune fruit, comme l'appelaient les habitants de ce système. Une opération délicate s'était transformée en mission impossible, tout en devant toujours accomplir la dite opération délicate. Joss soupira, puis passa en revue les ressources dont il disposait. Un long beam, avec toutes ses capacités, ses armes et ses instruments, un appareil absolument magnifique, en toute honnêteté. On pouvait accomplir beaucoup de choses avec un long beam. En plus de cela, ils avaient 3 vecteurs, contenant 4 magiciens de l'espace, dont ils n'avaient jamais tout à fait compris les pouvoirs réels. Les Jedi étaient capables d'exploits hors du commun, d'accord, mais lesquels ? Il y réfléchit, tout à fait conscient que chaque instant consacré à la recherche infructueuse de solutions rapprochait ce fragment, ce vaisseau ou ce je ne sais quoi, de la Lune et de l'éradication totale de ses passagers ainsi que des habitants du planétoïde. Bon, de quoi les Jedi étaient-ils capables? Ils se débrouillaient plutôt bien avec ces épées laser. C'était toujours agréable à regarder, mais elles ne résoudraient pas grand-chose dans la situation présente. Les Jedi sautaient haut et couraient vite, mais pas au point de s'élancer dans l'espace ou de rivaliser avec un vaisseau qui frisait la vitesse lumière. Ils pouvaient aussi se contenter de se pointer quelque part et de faire sensation. Ils les avaient vus faire plus d'une fois. Ils pouvaient déplacer des objets grâce à leur esprit. Tiens, tiens, pensa Joss. Il se retourna vers Pika. Magnégriffe, dit-il, sachant qu'il n'avait pas besoin d'expliquer davantage. Elle allait piger du premier coup, ce qui expliquait entre autres choses pourquoi il s'entendait si bien au travail comme ailleurs. Peut-être, répondit Pika songeuse. Quel genre de câblage on y fixe? De la soie égarienne. Ils viennent de l'échanger sur ces longues bimes pour remplacer le tressage en duralliage. Bien. La soie égarienne présente une meilleure force de traction, avec l'élasticité par-dessus le marché. Plus on y fait passer d'électricité, plus elle se raidit. Si on pouvait harponner un objet avec un câble assez lâche et faire monter la tension en douceur... Exactement. Graduellement pour éviter qu'il cède. Pika hocha la tête et tapota le tableau de bord en cogitant ferme. Mais on ne touchera jamais la cible. On ne parle pas de blaster, mais de grosses pinces bien massives. Pas l'idéal pour un travail de précision. Elles sont conçues pour remorquer les épaves stationnaires jusqu'au dock en vue de réparation. L'anomalie se déplace trop vite. Eh bien justement, répliqua Joss. J'ai ma petite idée là-dessus. Il activa son système com. Maître Théami? À vrai dire, il ignorait le statut exact de la Duros. Maître Jedi, chevalier Jedi ou un autre rang au sein de l'ordre. De toute façon, il les appelait tous maîtres. On n'était jamais trop prudent. Joss ne savait même pas si les Jedi pouvaient se vexer. Mais pourquoi prendre le risque? Oui, capitaine Adren? Fit la voix de la Jedi, calme et totalement dépourvue de tension, alors qu'elle se trouvait face à la même situation insoluble que lui. « Je crois que j'ai une idée, mais je dois vous poser une question. Vous pouvez déplacer des objets par la pensée, hein ?» Elle marqua une pause. « Grâce à notre lien avec la Force, plutôt. Mais oui, je comprends ce que vous entendez par là. » « Est-ce que vous êtes capable d'empêcher quelque chose de bouger ?» Nouvelle pause plus longue. Je vois où vous voulez en venir, capitaine. Mais nous ne sommes pas des dieux. Nous ne pouvons pas arrêter net cet objet. Ce n'est pas ce que je vous demandais, répondit Joss en roulant des yeux en direction de Pika, qui lui adressa un sourire. Nous disposons à bord d'un équipement qui pourrait le ralentir, mais ce n'est pas simple à manipuler. Il faudrait se caler sur la vélocité du fragment, et nous savons tous combien il est rapide. Nous devrons pousser les moteurs à leur extrême limite et brûler une bonne quantité de carburant, ne serait-ce que pour accélérer jusqu'à la vitesse requise. Si vous pouviez le ralentir un tant soit peu, même de 5%, voire d'1% seulement, ça pourrait faire une énorme différence. À ces vitesses, même une diminution de vélocité minimale réduirait de façon significative les ressources nécessaires. « Un instant, » répondit Théami. La communication s'interrompit et Joss en déduisit qu'elle devait voir avec les autres Jedi si son plan avait des chances de fonctionner. La com crépita de nouveau. « Nous ferons ce que nous pourrons », déclara la Jedi. « Excellent. » Une idée lui traversa l'esprit et il se pencha pour ajouter. « Si vous pouviez tenter de préserver l'intégrité du fragment quand vous le ralentirez tant que vous y êtes. Pourquoi ?» Nous allons le percuter avec ses énormes griffes métalliques et nous ignorons s'il est fragile ou pas. Nous ne savons même pas de quoi il se compose. Il pourrait très bien se disloquer. Alors si vous pouvez faire quoi que ce soit, vous savez, pour éviter ça, ce serait plutôt bienvenu. Une très longue pause. Vous n'avez rien trouvé de mieux ? C'est tout ce que j'ai trouvé, Maître Jedi. Si nous arrivons à nous accrocher à cet objet, nous pourrons renverser la poussée des moteurs à vitesse maximale, mais graduellement, pour le ralentir. Aucune signature de moteur n'en émane. On dirait une balle de fusil lance-lime, comme si quelqu'un avait lancé une pierre à une vitesse phénoménale. En y appliquant une force opposée, nous devrions saper sa vélocité en un rien de temps. Enfin, s'il ne se disloque pas avant. Mais c'est là que vous entrez en scène. S'ensuivit le plus long blanc de la conversation. Comme je vous l'ai dit, capitaine, nous ferons ce que nous pourrons. Splendide. Joss coupa la com et se tourna vers Pika. Les magiciens de l'espace n'ont pas l'air emballés. commenta-t-elle. Bah, ils s'emballeront quand ça fonctionnera. Parce que ça va fonctionner? Ce machin risque de partir en morceaux. À moins que les câbles ne cèdent et ne nous catapultent dans l'espace, ou même tout simplement qu'on ne parvienne pas à s'y arrimer quoi qu'on fasse. Bah, répéta Joss. Il mit les gaz et le long beam fusa dans l'espace dans un rugissement de moteur, toutes ses cloisons vibrant sous la puissance déployée. On va vite le savoir.